Maria, c'est la guérilla. Nique les rumeurs, j'suis pas d'humeur. Si je tire, tu meurs, à bon entendeur. Pas d'hypocrite, ne fais pas la bise. Comme au Comoria, c'est la guérilla. Moi je bois pas, je fume pas, mais t'inquiète, j'ai des gros bras. Arrête de me faire le mac, après tu vas prendre des claques. Gentil, c'est pas un métier, tu le sais qu'on va pas rigoler. Moi je suis dur en amitié, mais frérot, y'a pas de pitié. J'arrive avec ça des coéquipier, j'prends la L2, poignée sur le côté. Sorti la rose, y'a les bleus sur le côté. Où est-ce qu'il veut, tu connais, c'est la zone à personne avec une paire de personnes. Mon cœur est perdu, on l'a remplacé par une boussole. Besoin de personne, tu peux parler, jacter, faire tes stories. Nous on a Henri. Là j'suis vénère, gros j'ai SXR, roue arrière. Je suis posé au stud, qu'avec des têtes cassées. Tout cas, tu connais la règle, les dents ça va te casser. Tu peux me croiser scotché, ouvert mal passé. Fais tourner le banguet, celui-là, il a l'air bien tassé. Parano comme Tiro, le 6 points équité. Tu me fais le gros tequito, engadjo d'Aquitaine. Sorrente, t'as glissé, t'as go, t'as quitté. On break, à la hit, oh my, j'ai kické. Marche arrière, la SSM, j'y braque sa mère. Né pour tout baiser, le micro, je vais le rafaler. Depuis petit, on fait pas de manie, ne serait pas Tony comme Mani. T'as connu là, c'est la bande d'Adjoul. Petite pute, on s'en fout de tambour. On fait ça pour s'amuser. Des baguettes, on nous signe. J'arrive des terres, non, non, pas de marche arrière. Dans la sacoche, mon revolver. Et mon petit verre façon terre-terre. Un regard travers, direct, te nique ta mère. Toucher le pied, et si t'es pas content, va te faire enculer. Avec Manine.